boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. I've heard this violent sound before. From many different stages, I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rage is. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. Take a deep breath, honey. Yeah, I know, I'm also nervous. You don't need to worry. Nothing can disturb us from now on. It's gonna be alright. I'll protect you. I stay awake all night, at dusk and dawn. Don't you blink, don't even yawn. I can hear the cheetahs roar. Let them out of the cages. I've heard this violent sound before. From many different stages, I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rage is. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for more. I can feel they're coming closer. Oh God, they run so fast. Lurking in the shadow, hiding in the grass. They're coming out at night. Watch these hungry beasts, how they hunt their prey, preparing for the feast at dusk and dawn. Don't you blink, don't eat. I can hear the cheetahs roar. Let them out of the cages. I've heard this violent sound before. From many different stages, I can hear the cheetahs roar. It's written in the pages, this wild beast prepare for war. Soon you'll know what rage is. I can hear the cheetahs roar. Now they're coming back for. La semaine passée, j'avais prévu de vous parler de J.J. Johansson qui, en mars 2021, sortait son dernier album. Malheureusement, le temps m'avait manqué pour vous présenter le trip hopper suédois. Nous le ferons prochainement, mais au moins cette fois, vous avez profité entièrement du titre Cheetah, issu de son 17e album. Mais laissons là les mélopées du prolifique J.J. Johansson et basculons vers le rock doux des Kings of Leon que nous avons découvert il y a 7 jours avec un nouveau titre. On écoute Kings of Leon avec Golden Restless. Leon, peut-être pas le meilleur du rock, mais quand ça fait du bien, autant en profiter sans chercher autre chose. Sinon, si on veut se la péter, on appelle Mark, Eric, Phil et Sting. Vous êtes dans Pop & Rock sur la très locale Radio Val-de-Rhin. Pas trop mal aux oreilles, parce qu'après le très consensuel Money for Nothing, je vous ai balancé Nazareth, qui de force vient de vous réveiller pour vous rappeler qu'en matière de rock, rien ne s'invente plus beaucoup, mais tout se recycle. La preuve, machine à remonter le temps, alimentée à l'énergie du rock de Yes. Prove yourself. You are the movie maker. Check for check. Ce soir, pour ma programmation, je vais dans un dossier sur mon ordi où j'ai classé plein de trucs que je veux partager avec vous depuis longtemps sans l'avoir encore fait. C'est donc en grattant et en cherchant que je vous propose des perles qui vous plairont comme Sleater Kinney qui arrive et avec elles j'ai pas trop de doutes car chacun de leurs titres tient forcément la route. We'll be right back. Allez, on vient d'écouter une doublette de Slither Kinney. Alors Slither Kinney, je pensais qu'elles étaient deux en fait, qu'il y avait une qui s'appelait Slither, l'autre qui s'appelait Kinney. Pas du tout, elles sont trois. Slither Kinney, c'est dû apparemment au lieu où elles ont fait leur première gamme. Allez, on va continuer tout de suite et on va... Bah, le petit groupe qui arrive maintenant, je leur prédis un grand avenir. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Bien dans Pop and Rock sur la trail locale à Radio Val-de-Rhin. Les White Stripes, la White Family pour enchaîner les Beatles n'y voyaient aucune filiation, même si eux aussi ont su marquer l'histoire du rock avec le Seven Nation Army. Allez, on continue de vider mes fonds de tiroir et c'est Shame qui, en janvier 2020, présentait un album dans lequel on trouvait le titre Watcher in the Well. Décidément, Londres nous offre une telle densité musicale qu'il faudrait la rattacher culturellement à notre bonne vieille Union Européenne. Londres, Dublin, Seattle, Manchester sont quelques-unes des places fortes de la musique rock, mais sur les rives de la Chattahoochee, du côté d'Atlanta, des amoureux de la Britpop des années 80-90 ont décidé de faire du rock. Ils sont barbus, ils sont fiévreux, ils peuvent aussi faire de la soupe, mais pas ce soir puisque j'ai choisi le titre « Check It Out » de Manchester Orchestra. I can see, but I've never seen a thing so complete. Are you the living ghost of what you need? felt the Lord begin to peel off all my skin. And I felt the weight within it reveal a bigger mess that you can't fix. Yes, les Beatles, les White Stripes, Mark Knopfler, il y a des classiques dans mes dossiers en attente, mais j'y trouve aussi des trucs plus exotiques, tellement exotiques que je ne sais plus comment ils ont atterri dans mes playlists. C'est le cas de Ice Age qu'on écoute maintenant, avec le titre Shelter Song. Crashing and burn, what a strike. sure the sedate is giving shelter till the cloud burst dies down. Crashing and burst, damn it, I'm short of something to live for. Free me from my thirst, gravitate to la dernière ligne droite de notre pop and rock sur la très locale Radio Val d'Orin arrive. Je vais donc arrêter avec les exotismes qui risquent de vous faire partir et nous allons retrouver des groupes et artistes estampillés pop and rock comme Alex Mas, le toujours membre des Black Angels, mais c'est en solo que je le préfère, notamment quand il nous offre son sublime Shines Like the Sun. Thank you. Ça y est, il est temps de se quitter. Un dernier petit groupe anglais, vous les connaissez, Alt G. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Is done.